On va changer juste, on va faire la base. Notes. 1, 2, 3, 4. dernière, après je me casse. Celle-là. Allez. À toi. just wanna be with love. Bravo Rémi. Rémi. Tu joues super bien. Je vais manger. J'espère qu'on se fera un autre morceau un de ces jours. C'est sympa. Bye.